13 novembre, l'enquête. Une série en podcast de France Inter. Il y a des mecs qui sont arrivés, ils ont tiré. Deux très fortes explosions. Julio Diaz, une expérience. Moi, si je veux, je rentre en France et je vais tout péter. Je suis Sarah Guibaudot, journaliste à France Inter, et je vous propose de reconstituer le parcours des terroristes de Paris et de Bruxelles. Épisode 1, 13, 11, 15. Tout le monde à Paris se souvient de ce qu'il faisait le soir du 13 novembre. J'habite à peu près à mi-chemin entre le Stade de France et les terrasses du 10e arrondissement. Et je venais de coucher ma fille quand j'ai entendu les sirènes des véhicules de secours. La première chose que j'ai faite, c'est d'appeler la radio et de l'allumer. Ce que l'on sait, c'est que des coups de feu ont été entendus à trois endroits différents du 10e et du 11e arrondissement de Paris. Rue de Charonne, justement. Six corps sont étendus au niveau du numéro 90 et les riverains jettent des draps pour recouvrir ces corps. Ouais, j'ai simplement vu un homme avec une Kalachnikov qui se baladait et tirait sur les gens au hasard, comme ça. À France Inter, on ne sauve pas des vies, on n'arrête pas des terroristes. Mais dans un moment comme celui-là, c'est essentiel de savoir ce qui se passe. Alors avec mes collègues, on est tous revenus travailler. Paris a été attaqué une nouvelle fois il y a 2 heures, 3 attaques simultanées. Nous, on a réussi à s'enfuir du Bataclan et il y avait plein de gens partout, par terre. Il y a des mecs qui sont arrivés, ils ont tiré en plein dans la foule en criant à la Wakbar. Putain, c'est un enfer. 130 personnes ont été tuées. 493 personnes blessées dans leur chair. Un chiffre auquel il faut ajouter plus de 1200 victimes de blessures psychologiques. Ce soir-là, il règne d'abord une grande confusion. Je suis chez moi à 21h40 quand je reçois un appel de mon collègue de permanence sur des explosions au Stade de France. Et je reçois quelques minutes après un appel de François Molins qui m'avise de coups de feu dans Paris, sans plus de précision. La magistrate Camille Hennetier est alors la chef de la section antiterroriste du parquet de Paris. Elle travaille sous les ordres du procureur, François Molins. Et on décide de se retrouver tous les deux rue Bichat, devant le Carillon, où là, on constate bien sûr qu'il y a eu une fusillade et que des gens sont décédés. Il y a des alertes dans tous les sens. Je me souviens qu'on a à un moment l'information comme quoi il y a un retranché rue de la Fontaine-Roy. Ça va occuper les services pendant quelques heures. On a aussi une alerte au Halles à un moment. Donc tout le monde est en ébullition et c'est normal. Donc il y a beaucoup de parasitage avec des informations plus ou moins fondées qui arrivent. Et donc une difficulté à avoir une information fiable à ce moment-là et à pouvoir surtout recoller les morceaux entre eux. Voici ce qu'on sait aujourd'hui. À 21h01, une minute après le coup d'envoi d'un match amical France-Allemagne, trois jeunes hommes bruns arrivent à pied aux abords du Stade de France. Le premier est vêtu d'un survêtement à bandes rouges aux couleurs du Bayern de Munich. La veste blanche est un peu trop grande et cache comme une bosse au niveau du ventre. Derrière suivent deux hommes qui portent chacun sur leurs épaules un drapeau allemand, noir, jaune et rouge. Autour, il n'y a plus beaucoup de monde. Les 70 000 spectateurs sont rentrés. Impossible pour les trois hommes, ils n'ont pas de billets. Que font-ils là? Est-ce qu'ils sont arrivés en retard? Ils sont partis en voiture d'un pavillon loué à Bobigny. 2 heures avant, la voiture a fait un trajet jusqu'à l'aéroport de Roissy, qui reste inexpliqué. Puis Salah Abdeslam, un jeune homme de 26 ans qui a grandi en Belgique, les a déposés près du stade. Est-ce qu'ils ont hésité entre plusieurs cibles? Est-ce qu'ils sont là pour faire diversion? On ne sait pas. 21h17, le premier homme au drapeau se fait exploser. Ici au Stade de France, on a toujours le même schéma avec des Français qui tentent des choses. Là, on peut parler de l'homme. Dehors, au niveau de la porte D, un conducteur de car de 63 ans est tué par le souffle. Les trois hommes habillés en supporters portent des gilets explosifs. Chacun contient 1 à 2 kilos de TATP, la signature du groupe État islamique, et des centaines d'écrous pour servir de mitraille. Un fil est relié à un bouton poussoir le long du bras. À 21h20, le deuxième homme au drapeau se fait exploser un peu plus loin devant la porte H. Plusieurs personnes sont blessées. À l'intérieur, le match continue. On suit ce match avec vous, Franck Ballanger. On va évoquer un instant ce qui s'est produit il y a quelques minutes. Le stade a entendu des explosions à proximité. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, deux très fortes explosions. C'était vraiment pas un pétard. Visiblement, en plus, Jacques, on n'a plus le droit de quitter le Stade de France. Un hélicoptère survole actuellement le Stade de France, là. Des deux premiers terroristes, il ne reste que des cadavres démembrés. Dans la poche de l'un d'eux, un papier avec le numéro de téléphone du commanditaire en Syrie. Il s'appelle Oussama Attar. Je vous en reparlerai dans quelques épisodes. Sur le parvis du Stade de France, des morceaux de passeports syriens. Ils proviennent d'un lot volé par le groupe État islamique. En fait, les deux hommes sont irakiens. Selon les services de renseignement, le premier a une vingtaine d'années. À sa famille, l'organisation terroriste offrira près de 5000 euros et des moutons. Avant chaque explosion, l'homme qui porte un survêtement du Bayern a passé des coups de téléphone. L'un de ses correspondants est Abdelhamid Abaoud. Il est dans Paris et visiblement, il attendait des nouvelles pour attaquer des terrasses de café. « 21h25, derrière l'hôpital Saint-Louis, dans le 10e arrondissement, une voiture noire s'arrête au milieu de la chaussée, à l'angle de la rue Alibert et de la rue Bichat. « Il y a des morts ici, à quelques mètres devant nous. Les témoins que j'ai pu rencontrer parlent d'une voiture noire qui est passée et de tirs à l'arme automatique, plusieurs rafales de tirs. »« Moi, j'étais face à la vide, donc j'ai commencé à avoir les jets de fusillade. J'ai pris l'alerte, j'ai crié dans le restaurant, les gens sont mis sous les tables, on s'est jetés dans les toilettes. » Trois hommes armés de Kalachnikov prennent pour cible d'abord une voiture qui les gêne, puis les terrasses du Carillon et du Petit Cambodge. Ils tuent 13 personnes. La voiture repart et s'arrête deux pâtés de maison plus loin, rue de la Fontaine au Roi. À 21h26, sur la vidéosurveillance, on voit deux hommes à pied ouvrir le feu sur les clients du café La Bonne Bière. On distingue mal le troisième tireur devant la pizzeria Casa Nostra, mais son arme crache comme des flammes. Il laisse 5 cadavres. Les trois hommes remontent en voiture et roulent sur près d'1,5 km vers le 11e arrondissement. 10 minutes après, ils dépassent le bar La Belle Équipe. La terrasse est bondée, alors ils font demi-tour et ouvrent le feu. Parmi les 19 personnes tuées, plusieurs fêtaient un anniversaire. Les tireurs ont grandi en Belgique. Le conducteur, celui qui dirige les opérations, c'est Abdelhamid Abaoud. Il est décrit comme très calme, il s'est acharné sur les blessés à terre. Il porte des baskets orange fluo et c'est le seul qui n'a pas de gilet explosif. En Syrie, il était l'un des hommes chargés d'organiser des attentats en Europe. C'est ce que nous verrons dans la suite de ce podcast. Avec lui, ce soir du 13 novembre, il y a Brahim Abdeslam, le grand frère de Salah Abdeslam. Brahim Abdeslam se fait déposer par la voiture, peu avant la place de la Nation, et va s'asseoir en terrasse au comptoir Voltaire. Il est 21h41, poliment, il commande un café, qu'il n'attend pas, pour déclencher sa ceinture. Seule une moitié du dispositif éclate, il y a une douzaine de blessés. Au même moment, sur ce même boulevard Voltaire, à 2 km vers le centre de Paris, une polo noire s'arrête devant le Bataclan. À l'intérieur, trois autres hommes armés de fusils d'assaut. L'un d'eux envoie en Belgique ce SMS « On est parti, on commence ». Puis il jette le téléphone dans une poubelle, où un policier le ramassera. Pour Camille Hennetier, c'est la preuve que les attentats sont coordonnés depuis Bruxelles. Je ne sais pas si c'est un coup de chance, mais en tout cas, il y a un téléphone Samsung qui est trouvé dans cette poubelle avec le fameux message à 21h42, on y va, on commence. Et à partir de l'exploitation de ce téléphone, on va pouvoir remonter tout le réseau par un travail extrêmement complet et de déterminer le caractère coordonné des attaques. On va pouvoir remonter à partir de cette ligne, mais aussi à partir des vidéos du Stade de France où on voit un des kamikazes du Stade de France au téléphone juste avant de se faire exploser. On va pouvoir effectuer des croisements entre les lignes, voir qu'elles sont en contact entre elles et qu'elles sont en contact avec des individus en Belgique. 21h45. Sortis de leur voiture, deux hommes mitraillent le café à l'entrée du Bataclan. Ils font trois premières victimes, puis ils entrent. Le concert du groupe américain Les Eagles of Death Metal affiche complet. 1500 personnes s'en donnent à cœur joie. Parmi elles, David Fritz Göppinger, un jeune barman et photographe de 23 ans. C'était vraiment un concert très fort. C'était vraiment rock, quoi. La salle est vraiment imprégnée de l'ambiance des musiciens, quoi. Je sors des toilettes qui se trouvent au premier étage du Bataclan et j'entends des claquements, quoi, ce que j'identifie assez vite comme des coups de feu. Le balcon était sidéré, donc on comprenait pas ce qui se passait vraiment. Et je me suis penché en avant pour voir. Et je vois des gens allongés les uns sur les autres, qui fuient les balles. L'un des vigiles du Bataclan guide les spectateurs vers la sortie de secours. Mais les terroristes ont étudié le plan de la salle. Le troisième tireur s'engouffre par cette issue et ouvre le feu à son tour. Les terroristes tirent en rafale, puis exécutent des spectateurs, un par un. L'un d'eux monte sur la scène, deux autres au balcon, sans doute pour avoir une meilleure vision. Les trois tireurs sont français. Ils ont 23, 28 et 29 ans et sont partis en Syrie à la fin de l'année 2013. C'est à eux que je vais m'intéresser en premier dans cette série. Sami Amimour, un jeune de Drancy, Omar Mostefaï, qui s'était installé à Chartres, et le plus jeune, Foued Mohamed Agad, qui a grandi en Alsace. La première fois que j'ai rencontré David, pour tenter de comprendre le déroulement des faits, il m'avait raconté cette scène. Foued, je crois qu'il s'appelait, était vraiment au niveau du bord du balcon, et c'est lui qui tenait en joue les gens qui étaient dans la fosse. Et je me souviens d'une personne en particulier, il a dit « si tu bouges, je te tue ». Donc il a tué, il a lancé un grand éclat de rire, il a dit « mais je t'avais dit de pas bouger ». Aujourd'hui, quand je demande à David de décrire les terroristes, il est surtout marqué par leur aspect banal. Bah, ils sont normaux, quoi. C'est assez étrange, mais ça peut être n'importe qui, quoi. Ça pourrait être... l'un est grand, élancé, un peu sportif, il met des joggings, enfin, rasé de près, propre sur eux, en fait. Et je me souviens très bien que un des deux portait un parfum assez fort, et je me souviens très bien de sentir ce parfum. Quand il passait juste derrière moi, je le sentais, donc il y avait cet aspect un peu mec de la vie de tous les jours, quoi. À l'étage du Bataclan, il n'y a pas d'issue. David se suspend à une fenêtre, mais l'un des terroristes vient le chercher. Il commence à rassembler des otages. 12 minutes après le début de la fusillade, deux policiers de la BAC Nuit entrent dans la salle. Sur la scène, Sami Amimour menace un spectateur de son arme. Les policiers le visent avec leur pistolet. On entend quelqu'un qui rentre et qui crie à une personne qui se trouve sur scène. Il dit « bouge pas, bouge pas », suivi de, il me semble, trois coups de feu et d'une gigantesque explosion. Sami Amimour a été touché. Il s'effondre, mais il parvient à déclencher son gilet explosif. À l'étage, David observe les deux autres tireurs. Il y a un microseconde de sidération, puis l'un demande à l'autre « c'est toi qui as fait ça ?» Donc ils comprennent pas ce qui se passe en fait. Et je me souviens que l'un des deux est assez heureux du départ de son frère en fait. Il exulte, il est content que son frère soit parti de cette manière-là et qu'il y a une joie en fait. Sans doute parce qu'il croit que son compagnon est mort en martyr, comme disent les djihadistes. Les deux derniers terroristes se retranchent dans un étroit couloir. C'est la fin du carnage, même s'ils tirent encore à plusieurs reprises, sur la fosse ou par la fenêtre, dehors, sur le passage Saint-Pierre-Amelot. Au Stade de France, le troisième homme, celui qui porte un survêtement du Bayern, s'est un peu éloigné de l'enceinte. À 21h52, Bilal Hatfi, un jeune Belge de 20 ans, se fait exploser à son tour devant un fast-food, blessant plusieurs personnes. C'est la mi-temps. Le président François Hollande est évacué de la tribune officielle, mais par sécurité, ordre est donné de poursuivre le match. Et là, pendant toute cette deuxième mi-temps, on sait qu'on commente ou qu'on essaie de commenter un match qui n'est pas comme les autres. À 22h30, j'arrive devant le Bataclan. La police a établi un périmètre de sécurité. Je vois passer les camions de la BRI, l'unité d'intervention parisienne. Au premier étage, les deux derniers tireurs sont retranchés avec 11 otages, dont David. Le huis clos va durer plus de 2 heures. Ils nous parlent de politique, ils nous parlent de Dieu, ils nous parlent de plein de choses comme s'ils allaient réussir à nous convaincre. En fait, je pense qu'ils essaient de justifier leurs actes. Donc ils nous placent devant ces fenêtres comme des boucliers humains. Ils nous donnent l'ordre de surveiller la rue, quoi. Et, bah, dites-nous ce qui se passe dans la rue, sinon si vous ne le dites pas, bah, on vous tue, quoi. On sent que c'est étrange, mais ils sont pas habitués à faire ça, en fait. C'est pas leur truc. Vous avez l'impression qu'ils improvisent? Ouais. Sont là, ils étaient pas prêts à aller aussi loin dans une prise d'otage. Eux, pour eux, c'était très simple de rentrer d'une salle de concert, tirer sur tout le monde, se faire exploser, c'était fini. Et ils savaient pas qu'ils allaient passer 2h30 avec d'autres humains. Et les négociations sont un peu lunaires, quoi. C'est assez étrange. Ils savent pas trop quoi demander. Ils veulent une lettre signée de François Hollande qui dit retirer toutes les troupes ou arrêter toutes les actions armées françaises en Syrie. Les deux preneurs d'otages, Omar Mostefaï et Foued Mohamed Agad, confisquent les téléphones. Ils veulent joindre une chaîne de télévision, mais ils n'y arrivent pas. David a gravé dans sa mémoire un échange entre les deux terroristes. Ils se prennent la tête un peu entre eux deux. L'un parle arabe, l'autre parle français. Il lui dit « Non, mais parle arabe. » Le plus grand des deux, en jogging, en fait, au moment où il parle français, il lui dit « On ne devrait pas appeler Souleymane, est-ce qu'on n'appelle pas Souleymane ?» Et donc moi, je me souviens de capter cette information et de me dire, il faut que absolument que je la garde. Et il lui dit, non, on va faire ça à notre sauce. Comme si ce Souleymane était une espèce d'autorité qui leur donnait des ordres. Qui est ce Souleymane? Est-ce l'un des commanditaires? La question a hanté les enquêteurs comme les journalistes. Et elle n'est pas tranchée. Le problème, c'est qu'Abou Souleymane est un surnom courant au sein du groupe État islamique. Première hypothèse, ce serait l'un des coordinateurs à Bruxelles, l'un des délinquants radicalisés qui a fourni les armes et les faux papiers. Je penche pour cette version. Ce soir-là, les terroristes de Paris sont en relation téléphonique avec la Belgique. La deuxième hypothèse, c'est un autre Abou Souleymane, un Français qui est à la tête d'un groupe de combattants djihadistes en Syrie. Foued Mohamed Agad, le tireur qui rigole en tuant des jeunes de son âge, a fait partie du bataillon de cet Abou Souleymane. Il lui a même confié sa femme avant de partir pour l'Europe. Entre 23h et minuit, il essaye de faire ses adieux. Il envoie un message à sa mère, qui vit en Alsace, et il essaye en vain de joindre sa femme en Syrie. Il ne sent pas venir l'assaut à minuit 19. Il y a un espèce de coup dans la porte qui est donné. Mostefaï qui m'attrape par l'épaule, qui nous emmène tout au fond du couloir, donc vraiment à l'opposé de la porte, par là où la BRI rentre. Et je me retrouve par terre avec Mostefaï qui décharge sa calache. Il doit vider quelque chose comme 27 coups de feu. Sur les policiers. Sur les policiers, ouais. Sur le bouclier Ramsès des policiers. Et je me souviens qu'il jette sa calache et là il se met à chercher quelque chose dans ses poches. Et je me souviens très clairement parce que je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il cherche, quoi? Il cherche un truc dans sa poche et d'un coup, c'était l'explosion de sa ceinture, d'une partie de sa ceinture d'explosif. Ça a soufflé le couloir, en fait. Donc moi, j'étais par terre, ça m'a soulevé en l'air. Et pendant ce laps de temps-là, les hommes de la BRI progressaient encore. Il fait presque noir, il n'y a plus de lumière, il y a de la fumée partout et d'autres coups de feu surviennent. Et déjà, j'ai un homme de la BRI qui m'attrape par les cheveux et par la veste et qui me jette près de la porte. Et à ce moment-là, je sors. Les deux terroristes sont morts. Parmi les otages et les policiers, il n'y a que des blessés légers. Le 14 novembre, à 3h du matin, le Bataclan devient une scène de crime. Des corps sont enchevêtrés dans la fosse. 90 spectateurs ont été tués. 7 terroristes sont morts. Au moins 3 autres sont en fuite. Après l'attentat suicide du comptoir Voltaire, Abdelhamid Abaoud et le deuxième tireur des terrasses laissent leur voiture et leur kalachnikov près de la porte de Montreuil. À 22h14, ils prennent le métro à Croix-de-Chavaux. Ils n'ont pas de ticket, un voyageur leur explique comment passer les tourniquets en fraude. Abdelhamid Abaoud, le chef du commando, a l'air de plaisanter avec ce passant. Le policier qui exploite la caméra du métro va l'identifier grâce à ses baskets oranges, se souvient Camille Hennetier. je me souviens parfaitement des baskets orange, mais les baskets orange, en fait, nous, on les voit sur la vidéo du métro Croix de Chavaux, où on identifie a posteriori Abaoud, qui porte des baskets orange, ce qui nous frappe un peu sur le moment. Abaoud et son complice commencent par revenir à pied dans Paris. Lorsque la BRI donne l'assaut au Bataclan, ils ne sont pas très loin dehors. Puis, ils disparaissent. Après avoir déposé les trois kamikazes du Stade de France, Salah Abdeslam abandonne sa voiture dans le nord de Paris, place Albert Kahn, un endroit qui n'est pas touristique, pas très fréquenté le soir. Le communiqué publié le lendemain par le groupe État islamique évoque un attentat dans le 18e arrondissement. Il n'a pas eu lieu. Est-ce que Salah Abdeslam a renoncé ? Aujourd'hui encore, on n'a pas de certitude. Les terroristes ont laissé devant le Bataclan une autre voiture de location belge. L'enquête s'oriente vers Bruxelles. J'envoie un premier message à 22h59 à François Molins. Évidemment, nous sommes tous impressionnés par ce qui se passe à Paris. Frédéric Van Leuve est le procureur fédéral de Belgique. Et vers 2h40, François me répond, me parle d'un bilan très lourd, une voiture utilisée par les terroristes avec une plaque d'immatriculation belge. Et c'est le début de la grosse mobilisation chez nous, puisqu'on se rend compte alors qu'il y a un élément belge dans l'attaque à Paris. Mais pendant la nuit, la voiture du Bataclan n'est pas fouillée à fond. Le contrat de location au nom de Salah Abdeslam n'a pas encore été retrouvé dans la boîte à gants. Le jeune homme appelle des amis qui viennent le récupérer près de Paris. Le matin, sur l'autoroute, ils sont contrôlés par des gendarmes, mais Abdeslam n'est pas encore recherché. Il se fait déposer à Bruxelles et s'évanouit. Au début, il est très compliqué et c'est normal dans une phase de crise d'avoir les bonnes informations. Donc moi, je demande évidemment le numéro de plaque, mais je ne l'ai pas tout de suite, même s'il est transmis entre différents services de police. Et puis, assez rapidement quand même, on identifie la voiture qui est remontée vers la Belgique. Et dans l'après-midi, cette voiture est interceptée. Mais comme tout le monde le sait, Salah Abdeslam n'est plus dans la voiture. Pendant 4 mois, les membres de ce noyau terroriste sont traqués. Et lorsque les derniers sont sur le point d'être arrêtés... Et un seul titre, bien sûr, dans ce journal de la Belgique. De nouveau, en alerte de terroriste maximum, niveau 4, après un attentat suicide à l'aéroport de Zaventem. Un peu après 8h ce matin, attentat suivi d'explosion à la station de métro Malbec à Bruxelles. Les aéroports et les gares sont fermés, les transports publics sont à l'arrêt. Les Belges sont priés de rester où ils sont. 22 mars 2016, l'édition spéciale de nos confrères de la RTBF. Comme une réplique du 13 novembre, 3 hommes ont commis des attentats suicides à Bruxelles. Ils font 32 morts et 340 blessés. Quatre ans plus tard, en France, le procès des attentats du 13 novembre se prépare. Il va durer 6 mois. 14 hommes devraient être présents dans le box des accusés. Il y a près de 1700 parties civiles, des victimes ou proches de victimes. Toutes veulent savoir comment un tel carnage a pu se dérouler sur notre sol. Qui sont ces terroristes ? Comment en sont-ils arrivés là ? Quatre ans après l'horreur, le dossier d'instruction comprend des centaines de milliers de pages, près de 500 volumes. Cette enquête, que j'ai suivie comme journaliste à France Inter, essaie de retracer le parcours de ces attaquants et de leurs commanditaires. C'est ce que je vais vous raconter, à ma manière, dans ce podcast. 13 novembre, l'enquête est un podcast de France Inter.